Les peintures préhistoriques de la caverne d'Altamira, en Espagne. Conférence du 24 janvier 1904 par Émile Carteillac, correspondant de l'Institut. L'anthropologie et l'archéologie préhistorique étaient admirablement représentées à notre exposition universelle de 1878. Ce fut pour beaucoup de visiteurs une révélation. Quelques-uns des plus vivement intéressés résolurent de faire des recherches dans leur pays. Parmi eux, M. Marcelino de Sotiola se hâta d'explorer les cavernes des environs de Santillana, province de Santander, et il y découvrit les vestiges de plusieurs stations humaines de l'âge de la pierre. La plus vaste, au lieu-dit Altamira, fut aussi la plus riche et lui livra d'abondants débris de cuisine, coquilles marines comestibles et ossements d'animaux, des silex taillés, des os ouvragés. De plus, M. Marcelino de Sotiola remarqua dans la première galerie et précisément sur la voûte au-dessus du dépôt archéologique une vingtaine de figures en couleur, des animaux peints en noir et en rouge, de grandeur naturelle ou à peu près, parmi lesquels on distinguait des bisons et un cheval, représentés de profil et dans une grande variété d'attitudes. Quelques dessins, d'un genre bien différent, plutôt géométriques et d'une signification inconnue, se voyaient sur les parois de la deuxième galerie. Il y en avait d'autres encore plus loin. L'archéologue espagnol publia ses faits. Très prudent, il n'affirmait pas la contemporanéité des peintures et du gisement de l'âge de la pierre. Il se contentait de poser la question. Ne pouvant me rendre à l'appel de M. de Sotiola, je décidai à faire le voyage à un confrère d'une compétence parfaite, auteur lui-même de belles découvertes paléontologiques. À Santander et à Santillane, M. l'ingénieur Édouard Harley fut accueilli avec empressement et fit une enquête minutieuse. Le gisement, le contenu des foyers était des plus curieux. Il y avait là des reliques comparables à celles que les très anciens habitants de la Gaule ont laissées dans une foule de cavernes dans le Périgord et les Pyrénées. C'étaient des objets paléolithiques semblables à ceux de notre âge de reine. Toutefois, cette espèce caractéristique faisait défaut à Altamira. Dans ses migrations annuelles ou séculaires, elle n'avait pu probablement descendre jusque-là. Le renne ne paraît pas avoir dépassé les environs de Bayonne d'un côté et de Perpignan de l'autre. Le mot paléolithique, employé ici, s'applique à l'ancien âge de pierre. L'âge suivant est dit néolithique. Le paléolithique est antérieur à tous les animaux domestiques, à l'agriculture, à la poterie, aux constructions mégalithiques, etc. Quant aux dessins, ils étaient bien tels que M. de Sotiola nous avait dit, mais contre eux, des objections sérieuses s'élevaient. Le jour n'arrive pas dans la salle au plafond peint. Aucune figure ne peut être aperçue et examinée sans le recours d'une lumière artificielle. Or, on ne voit nulle part les taches noires qu'aurait occasionné l'éclairage fumé des sauvages dessinateurs et de tous ceux qui auraient voulu admirer leur œuvre de longue haleine. Aujourd'hui, le visiteur attentif et surveillant sa bougie évite mal de laisser de semblables traces. Le noir de fumée des épais foyers sous-jacents, pétri de débris organiques carbonisés, a disparu. Pourquoi les fresques auraient-elles conservé intactes toute leur fraîcheur? Les incrustations calcaires, qui recouvrent quelques parties, sont beaucoup trop minces pour conclure à une grande antiquité. La valeur artistique remarquable de certaines images, les formes mêmes, étranges et inexplicables de plusieurs animaux, des aurochs par exemple, c'est-à-dire des bisons d'Europe, et d'autres raisons soigneusement énumérées par M. Harley, ne semblaient pas permettre d'attribuer ces œuvres à l'ancien âge de la pierre jusqu'à plus ample informée. Je publiais ce rapport dans ma revue « Les matériaux pour l'histoire de l'homme » en 1881, et peu à peu, après quelques timides rappels des compatriotes de M. Sotiola, le silence se fit sur les peintures de la grotte d'Altamira. En avril 1895, M. Émile Rivière, bien connu par ses découvertes d'hommes fossiles à Menton et ses intéressantes publications, faisait exécuter des fouilles dans la grotte de Lamoute, commune de Taillac-les-Aisies, en Dordogne. Elles dégagèrent par hasard l'entrée d'une galerie, inconnue de tous, par laquelle deux surveillants des travaux pénétrèrent en rampant jusqu'à une distance de plus de 200 mètres. Et là, les premiers, ils aperçurent quelques dessins gravés sur les parois. Monsieur Rivière, ayant constaté le fait, fit déblayer la galerie. Il constata que la grotte, après avoir été occupée par la hyène et le grand ours, avait été fréquentée par l'homme paléolithique. On recueillit ses débris de cuisine, ses silex taillés, d'un type franchement archaïque, ses ustensiles et ses parures en os. Plus tard, M. Rivière trouva même une lampe fort curieusement ornée sur le fond d'une silhouette de bouquetin au trait. Les dessins gravés sur les parois et les voûtes de la galerie, à 128 mètres de l'entrée et au-delà, et qui représentent des animaux, se prolongent parfois sous des couches de stalagmites et aussi sous l'argile rouge constituant le sol. Dès ses premières observations, M. Rivière put affirmer que les gravures étaient anciennes et contemporaines de la faune quaternaire. Il voulut bien faire appel à mon témoignage, et comme toutes les personnes qui furent également admises à voir ces découvertes, je dus reconnaître sans hésiter qu'il ne se trompait pas. Les recherches ont continué. M. Rivière a dégagé une longue suite de galeries. On ne cesse pas de trouver de nouvelles figures. Ce sont des bovidés, parmi lesquels des euroques, des équidés variés, les myones peut-être, un renne admirable, des antilopes, un bouquetin, un éléphant. La faune est donc bien caractéristique. C'est celle des foyers mêmes de la caverne. Ce sont des croquis aux traits, plus ou moins profondément gravés dans la roche tendre et quelquefois suivis par une ligne de rouge-brun. Il y a un singulier dessin en bande rouge, on dirait une hutte. La surface de plusieurs de ces images est couverte d'une sorte de striage léger et peut-être d'un peu de couleur. Elles ont en général 1 mètre de long, une, exceptionnellement, à 1,88 m. Le visiteur a le sentiment très net qu'il contemple une ornementation voulue de la grotte. Il faut bien se rendre à l'évidence. Aucune lumière du jour ne pouvait pénétrer à ces grandes profondeurs. On ne voit nulle part de traces de fumée. Les traits ont en général un air de fraîcheur qui déconcerte. On les dirait d'hier. Mais des épaisseurs notables de stalagmites les recouvrent par places. De plus, la technique, le style des gravures sont ceux de toutes les gravures sur os que depuis 1864 on est habitué à rencontrer dans les stations paléolithiques de l'Angleterre aux Alpes et de la Belgique aux Pyrénées. Finalement, les conclusions de M. Rivière s'imposaient et l'un des savants qui ont le plus contribué au progrès de l'archéologie préhistorique, M. Édouard Piet, émit le premier la pensée qu'il y avait lieu de revoir la grotte espagnole d'Altamira. Quelques jours après, instruit par l'effet de la moutte, un autre de nos confrères, M. François Dallot, explorateur patient et habile d'une importante grotte dite Père non Père, commune de Marcan, en Gironde, étudiait les grandes raies entrecroisées qu'offraient les parois enfin dégagées d'un haut remblé riche en os et en silex ouvré. Il discernait à son tour des silhouettes d'animaux. Une d'elles avait des traces de rouge. Les observations concordaient pour lui faire attribuer ses œuvres d'art sans aucun doute à un niveau paléolithique assez ancien, au début de ce que nous appelons l'âge du renne. La moutte et Père non Père se prêtaient ainsi un mutuel appui. Plusieurs années s'écoulent sans qu'aucun de nous ait pu se rendre à Altamira. Mais en 1901, la question des cavernes ornées va faire un pas décisif. Le 16 septembre, messieurs le docteur Capitan et l'abbé Breuil présentaient à l'Institut, Académie des sciences, une note sur la grotte des Combarelles, commune de Taillac, en Dordogne, avec parois gravées. Les mêmes auteurs, 8 jours après, informaient encore l'Institut que dans la même région classique des Aisies, une autre grotte, au lieu dit « fond de gaume », était couverte de figures peintes à l'époque paléolithique. Les Combarelles sont un boyau d'une longueur totale de 225 mètres. À 119 mètres de l'entrée commencent les premières figures nettes et des deux côtés de la bande continuent jusqu'au bout. bon nombre sont recouvertes d'un enduit stalagmitique. On voit souvent le trait sortir de dessous la stalagmite. Il est alors d'une fraîcheur étonnante. Elles ont de 0,20 à 1 mètre de long, les unes bien distinctes, les autres entremêlées. Les poils des animaux sont représentés par une sorte de grattage. Sur quelques images, les traits sont rehaussés d'une bande de peinture noire. Mieux encore qu'à la moutte et à Père non Père, elles rappellent exactement les gravures sur os, ivoire ou pierre de l'âge de Rennes. Ce sont d'ailleurs les animaux de cette période. Il n'y a pas moins de 14 représentations certaines du mammouth, cet éléphant d'espèce éteinte qu'on a trouvé en chair avec cet oiseau épaisse et longue dans les terres de la Sibérie, glacé éternellement et dont les défenses recourbées et les molaires ne sont pas rares dans les alluvions anciennes, quaternaires des vallées de l'Europe. Les chevaux sont nombreux. Messieurs Capitan et Breuil marquent avec sûreté l'époque. C'est un niveau ancien du paléolithique comme un père non père. Plus étonnante est la découverte de fonds des gaumes due à M. Peroni, l'instituteur des Aisies. La grotte s'ouvre dans le flanc d'une haute falaise et on y accède par des éboulis et en suivant une étroite corniche dominant la vallée. Après une entrée grandiose, on suit une étroite galerie. À 65 mètres, les parois se rapprochent. Il faut franchir, tout en grimpant un peu, un pas difficile. On débouche dans une longue salle de 40 mètres de long, sur une largeur de 2 ou 3 mètres et une hauteur de 5 à 6 mètres. C'est elle, corne d'une façon extraordinaire, des gravures et surtout des peintures exécutées à l'ocre rouge et au noir de manganèse. Il y a là de véritables fresques. Les images d'animaux, une cinquantaine de rocs, un renne, un cerf, des chevaux, des antilopes, des mammouths, d'autres encore indéterminés, sont peintes. Mais la gravure est associée à la peinture. Quelques figures sont en partie peintes, en partie gravées, d'autres fois seulement gravées comme au combarelle. Un emploi judicieux du noir et du brun a donné au fond rouge un modelé surprenant, tantôt vrai, d'après nature, tantôt bizarre. Les teintes sont souvent nuancées. Ailleurs, ce sont des touches vigoureuses et linéaires sur un fond uni. Des grattages de la roche, qui est jaune, interviennent çà et là. Toutes ces œuvres sont souvent, ici et là, légèrement voilées par une mince couche transparente de stalagmite. Beaucoup se perdent sous d'épais rideaux de draperies calcaires. Au Combarel à fond de gaume, messieurs Capitan et Breuil ont signalé des signes particuliers, accouplés et répétés, ce qui paraît prouver qu'on leur donnait un sens, compris de tous ou des initiés. Nos confrères les appellent tectiformes, et de fait, on consent volontiers à voir en eux comme des esquisses de huttes. Ces constatations en provoquent de nouvelles. Dès 1893, M. Léopold Chiron, instituteur à Saint-Just-l'Ariège, avait publié la description de la grotte de Chabot à Éguèze, dans le Gard, où sur les rochers qui dominent la station humaine, les foyers paléolithiques, il distinguait des traits enchevêtrés. En avril 1899, M. Lombard Dumas de Sommières, heureusement inspiré, y reconnaissait deux vagues profils de mammouth. En 1901, M. le docteur Capitan se joignait à eux, confirmait leurs hypothèses et voyait à son tour d'autres croquis. En 1885, M. l'abbé Caux d'Urban, aujourd'hui curé à Lavelanet, avait exploré la grotte de Marsoulas, dans les petites Pyrénées de la Haute-Garonne, et avait exhumé les nombreux vestiges d'une station de l'âge de Rennes, période ancienne. Plus tard, M. Félix Regnault, de Toulouse, revoyant le terrain en vue de fouilles nouvelles, remarqua sur une paroi des dessins, un semis de points rouges, des lignes rouges barbelées, deux grands animaux, bruns et noirs. Ce fut seulement après avoir eu connaissance de tous les faits énumérés ci-dessus que je me rendis à Marsoulas. À peine entré dans la grotte, je reconnus que les dessins entrevus par M. Regnault n'étaient qu'une partie de la décoration du rocher, qu'il y avait d'autres peintures à la suite dans la galerie étroite où je ne pouvais passer qu'en rampant et que les gravures abondaient partout. Je pus annoncer que ces œuvres sont semblables à celles des grottes du Gard, de la Gironde et de la Dordogne. Quelques jours après, M. l'abbé Breuil voulait bien se joindre à moi pour l'étude de cette station et ses yeux exercés augmentèrent la série de constatations d'un haut intérêt. Le mois suivant, enchanté des heureux résultats de cette collaboration, je partais avec M. l'abbé Breuil pour l'Espagne, Santander et Santillana. Je n'avais pas attendu jusque-là pour modifier mon opinion première sur les peintures d'Altamira, et j'avais nettement avoué que notre scepticisme d'il y a 20 ans n'était plus justifié. À la lumière de nombreux faits nouveaux, la réhabilitation de la découverte de M. Sotiola s'était imposée. Mais une étude plus attentive, moins superficielle, était évidemment nécessaire. Nous avons eu la bonne fortune de l'accomplir grâce à l'accueil excellent que nous ont réservé les Espagnols aux facilités qu'ils nous ont procurées à l'envi. En fait, nous avons consacré à la grotte d'Altamira un grand mois de travail assidu en 1902. Monsieur l'abbé Breuil y est revenu en 1903. Maintenant, nous sommes en mesure de publier l'ensemble si considérable des découvertes de Monsieur Sotiola et les nôtres. La région est à 3 ou 4 kilomètres de la mer, qui s'aperçoit d'Altamira entre les collines. Elle appartient au calcaire crétacé. Son aspect révèle une grande circulation souterraine des eaux, et sur des points très nombreux, le sol a des effondrements circulaires. La grotte est entourée de semblables dépressions qui révèlent des grottes écroulées. Elle-même est le type parfait de cet accident. On marche dans plusieurs galeries sur un plafond tombé, dont les grandes plaques polygonales sont encore contiguës, tandis qu'une assise formant voûte est craquelée et soutenue sur des vastes largeurs par de simples pressions latérales. La ruine, sur quelques points, est imminente, et la circulation devient de jour en jour plus dangereuse pour les visiteurs. Une série d'amples éboulements a ainsi ouvert la première partie de la caverne actuelle sur une longueur de 250 mètres. Plus loin, et suivant les dislocations préalables de la roche, existent des galeries étroites et surbaissées dues à l'action des courants. L'une d'elles a 50 mètres de long. Les traces d'habitation préhistorique sont considérables et localisées à l'entrée. Là aussi sont accumulées les peintures et les gravures, presque exclusivement d'abord sur le plafond et assez loin déjà de la lumière du jour. On les retrouve jusqu'au fond. Leur distribution est très inégale et singulièrement mystérieuse. De nombreux petits signes noirs, formés de points et de traits, un peu comme des caractères chinois ou cunéiformes, mais sans qu'il y en ait deux pareils, se voient uniquement dans les galeries profondes, disséminées sans aucun ordre, sans signification appréciable. En noir également, sont 5 figures compliquées, juxtaposées dans un recoin du boyau terminal. Elles ont quelque analogie avec de longs boucliers australiens ou autres décorés de dessins linéaires variés. Une étroite ramification de la grande galerie est très spécialement marquée au plafond de signes noirs et sur les côtés de longues bandes rouges en forme d'échelle. De nombreux animaux s'observent un peu partout. Les uns, figurés en noir, en général de petite dimension, 0,40 m, 0,80 m, etc., souvent indiqués par un simple contour. Les autres, en pointillés rouges, ou bien en teinte plate, tracés avec plus d'ampleur, spéciaux à la salle d'entrée de gauche. Ces deux catégories sont parfois entamées par des gravures au trait qui se rencontrent isolément sur toute l'étendue de la caverne. Dans la première salle, sur ces images, et par conséquent plus récentes, d'autres peintures ont été établies qui ont une valeur bien supérieure. L'exactitude des proportions, la rigueur des lignes, laissent peu à désirer. Cette perfection du dessin est bien secondée par une technique perfectionnée, par l'utilisation de toutes les teintes et des effets qui peuvent résulter du mélange et de la juxtaposition du noir et du rouge. Les attaches des membres, ou les membres eux-mêmes, se détache en relief brusque grâce à des bandes claires obtenues par le lavage habile de la couleur. Une légère gravure, préalable en général, ou de simples raclages, dessine ordinairement l'esquisse de l'animal représenté. Les traits des pieds, des yeux, des narines, des cornes sont plus accentués. Certaines parties ou particularités ne sont parfois que gravées. Ces grandes images, longueur 1,25 m à 2,20 m, sont plus ou moins juxtaposées dans tous les sens sur un plafond de 40 mètres de long sur 10 mètres de large. Mais souvent, les reliefs naturels de la pierre, ces mamelons quelquefois volumineux, ont déterminé le choix de la place et de la direction du corps de telle sorte que tout ou partie de l'animal se présente avec l'apparence d'une sculpture coloriée. Les animaux se représentaient debout, courant ou au repos, couchés ou accroupis. Ceux-ci ont des attitudes à la fois exactes et des plus singulières. Dans les peintures, on note des bovidés, en majorité des bisons, puis des sangliers, des chevaux, une biche. Dans les gravures, les têtes de biche dominent. Nous avons en moins le sanglier, et en plus un très beau cerf, à ramures très développées, ainsi que des chèvres. De fort curieux grands signes rouges sont multipliés auprès des animaux du plafond en question, dont une large partie paraît avoir été réservée pour eux. Il est difficile de leur refuser un sens déterminé. Ils reviennent fréquemment, toujours les mêmes, et forment des groupes. D'autres signes, mais gravés, forment une catégorie spéciale. On dirait des huttes de branchage. Plus de 20 sont disséminés dans la même salle. Dans leur voisinage sont quelques silhouettes humaines, gravées d'un trait léger, vaguement esquissées, sans art, mais remarquables par certains détails que l'ethnographie comparée expliquerait peut-être, et surtout par le geste des bras qui rappelle l'attitude des suppliants. En comparant les têtes, on peut noter que dans la plupart, le visage disparaît, comme s'il était remplacé par un masque à museau bestial. En les examinant, on ne peut que songer à ces déguisements, si fréquents chez les primitifs ayant survécu jusqu'à nos jours, par exemple chez les peaux-rouges, qui en faisaient usage dans leurs cérémonies religieuses. Toutes les gravures et peintures représentent un travail considérable. Il est incontestable qu'elles n'appartiennent pas au même moment. J'ai dit que celles-ci ont été largement refaites et superposées, et qu'il y a progrès entre les premières et les secondes. Comparées à celles de Marsoulas et de Pont de Gaume, elles sont bien du même art, du même style, mais elles témoignent une réelle supériorité. Elles supposent une évolution de l'art, une culture ancienne, des traditions bien établies, des études approfondies. Toutes les grottes maintenant connues, et il faut en ajouter plusieurs dans la Dordogne, l'une à Bernifal, avec gravure de mammouth, de bison, d'antilope, d'équidée et avec signes tectiformes, l'autre à Téja, avec gravure analogue, une troisième dans l'Ariège, au Mas d'Asile, avec des gravures trop altérées, se prête un mutuel appui. Nous n'avons pas à Altamira ou à Marsoulas, comme à Fond de Gaume, de puissants stalagmites qui attestent l'antiquité des œuvres sans cependant la préciser. Nous n'avons pas comme à Pont de Gaume, au Combarel, à Éguèze, à Bernifal, l'image du mammouth fixant d'une façon certaine cette antiquité. Mais les traits communs des œuvres suffisent à les rapprocher. Enfin, l'étude des stations humaines qu'elle avoisine nous permet aussi d'aboutir à une conclusion ferme. Les peintures de la grotte d'Altamira, comme les autres, appartiennent à l'âge de pierre, à la première période de cet âge, aux hommes paléolithiques. On peut même assurer qu'elles correspondent à une phase particulièrement intéressante des temps quaternaires, lorsque pullulaient dans les campagnes de l'Europe occidentale des troupeaux d'éléphants, d'aurochs, de chevaux et quantité d'herbivores. C'est une époque fort reculée. La Grande-Bretagne n'était pas encore séparée du continent et le sol avait partout, même dans les vallées du Nil ou de l'Euphrate, un aspect différent à maint point de vue essentiel de celui d'aujourd'hui. Depuis lors, le climat a changé plusieurs fois, produisant une évolution de la faune, l'extinction des anciennes espèces, l'émigration des autres et l'arrivée ou le développement de groupes nouveaux. la période des précipitations atmosphériques abondantes, si favorable au développement des glaciers et des fleuves, de la flore et des herbivores, est suivie par les froids rigoureux et secs qui mettent notre Europe au régime des steppes désolées de l'Asie. La température devient ensuite tempérée, plus humide. Nos sources, nos eaux tranquilles, donnent naissance à toutes les tourbières où les essences lentement se succèdent. Le néolithique règne après le paléolithique. Des industries nouvelles, une fois de plus, traversent notre continent. L'homme a domestiqué le chien, le bœuf, le mouton, la chèvre, le cochon, le cheval, inventé la poterie, créé l'agriculture. C'est d'un néolithique déjà vieux que nous voyons sortir les très vieilles civilisations de l'Égypte ou de la Chaldée. Les peintures du Périgord, des Pyrénées, de France ou d'Espagne, antérieures à tous ces événements, sont donc bien les œuvres d'art les plus anciennes du monde. D'autre part, nous voyons s'accumuler dans nos collections depuis 40 ans des objets du mobilier, de l'outillage, de la parure des hommes paléolithiques, ornés aussi avec beaucoup de goût et de talent. On admire ces os, ces pierres gravées, qui représentent, parfaitement caractérisées, bon nombre d'animaux contemporains des artistes primitifs. L'allure des espèces est rendue avec une étonnante habileté et un réel sentiment de la nature vivante. Tantôt ce sont des sculptures, tantôt des gravures au trait, plus ou moins achevées. Il est démontré que cette série ornementale procède du même style, des mêmes procédés que la série de nos gravures rupestres. Mais une autre analogie rapproche les deux groupes. Il y a un choix systématique et restreint des animaux. On a figuré, sauf par grande exception, que des espèces comestibles. Monsieur Salomon Reynard, qui a appelé sur ce fait l'attention du monde savant, pense que pour les troglodytes chasseurs et pêcheurs, c'était des animaux désirables. Pour lui, l'objet des artistes a été d'exercer une attraction magique sur les animaux de même espèce. Les indigènes de l'Australie centrale peignent aussi, sur les rochers ou sur le sol, des figures d'animaux, dans le but avoué d'en favoriser la multiplication. On ne représente pas des carnassiers par la même raison qui, dans certaines campagnes, fait qu'on évite de prononcer le nom de loup. Les objets gravés et sculptés que l'on a recueillis dans les cavernes de l'époque du renne offrent un caractère analogue. Ce ne sont pas les amusements de chasseurs oisifs, mais des talismans de chasseurs qui craignent de manquer de gibier. À cette phase très ancienne de l'évolution humaine, la religion, au sens moderne de ce mot, n'existe pas encore. Mais la magie joue un rôle considérable et s'associe à toutes les formes de l'activité. Plus récemment, notre confrère est revenu sur cette question. Il insiste. Le seul espoir que nous ayons de savoir pourquoi les troglodytes ont peint et sculpté, c'est de poser la même question aux primitifs actuels dont la condition nous est révélée par l'ethnographie. Beaucoup ne répondront pas, ayant eux-mêmes perdu avec les siècles l'explication de leurs actes continués par tradition inconsciente. Quelques-uns feront des réponses plus précises et fourniront des idées d'accord avec certaines autres, d'ordre général, qui sont communes à tout l'ensemble de l'humanité. De ces idées, une des plus répandues est celle-ci. L'image d'un être ou d'un objet donne une prise sur cet objet ou cet être. L'auteur ou le possesseur d'une image peut influencer ce qu'elle représente. Il s'agit, bien entendu, d'une prise ou d'une influence d'ordre magique. Monsieur Reinhardt, ses principes posés, passe en revue des faits intéressants de cet ordre, constatés en Australie, où il montre comment toutes nos gravures et peintures pourraient avoir eu le même usage. C'est là une très séduisante hypothèse à laquelle était arrivé de son côté Monsieur le docteur Ami. J'étais dans la grotte d'Altamira lorsque j'ai reçu un mot de lui m'accusant réception de mes dernières nouvelles. Il m'apprenait qu'un savant ethnographe venait de constater à Chasm Island, dans le golfe de Carpentaria, Australie, l'existence de cavernes où se trouvent des dessins exécutés sur un fond d'ocre rouge et d'autres tracés en esquisse sur la surface rocheuse. Plusieurs des cavernes sont d'une élévation si limitée que les dessins peints sur les toits doivent avoir été exécutés par leurs auteurs couchés sur leur dos. Les animaux figurés sont tous ceux que mangeaient les Noirs. Le docteur Ami était frappé de voir que nous retrouvions les mêmes manifestations intellectuelles, les mêmes dispositions matérielles aux antipodes. Ce n'était évidemment pas dans un but décoratif que nos artistes primitifs s'imposaient un tel labeur dans une obscurité profonde. Et je ne puis me défendre de voir, dans ces singulières pratiques, la manifestation de quelques croyances analogues à celles de certains peuples actuels, demi-civilisés ou sauvages. Je suppose que si nos troglodytes ont ainsi peint ou gravé ces singulières images d'animaux, c'est avec l'assurance que celui qui les a tracées a acquis par la même sur leur espèce une influence analogue à celle que possède le blanc, devenu le maître de l'Indien dont il a pu faire le portrait. Le troglodyte, pour s'assurer plus complètement encore cette espèce de propriété morale qu'il se figurait avoir conquise, enfermait les précieuses figures au fond des grottes dont sa demeure occupe constamment le vestibule. On voit quelle importance prennent en ethnographie et même dans l'histoire de la philosophie nos cavernes ornées préhistoriques. Des antres ténébreux sont un nouveau chapitre de l'histoire des religions, et c'est ainsi que cette conférence est bien à sa place au musée Guinée. Ce n'est pas, comme on l'a dit à tort, le début de l'art que nous découvrons. L'art de l'âge du renne est beaucoup trop ancien pour qu'il y ait un lien quelconque entre lui et l'art qui se manifeste diversement parmi nous. S'il y eut quelque suite, elle n'est nullement dans le monde paléolithique de l'Europe. On pourra peut-être la chercher loin de notre sol, du côté des Esquimaux qui vivent dans l'extrême nord et naguère encore étaient à l'abri de notre civilisation. Mais en comparant nos ancêtres primitifs actuels, tels que les Esquimaux ou les Australiens, nous ne devons pas perdre de vue que les conditions de la vie, pour les uns et les autres, sont bien différentes, et que dès lors, il y avait certainement des mœurs tout autres. Les contemporains du mammouth, de l'auroch et même du renne, dans un climat longtemps moins froid qu'on ne le pense, dans un beau pays aux vastes horizons accessibles, traversés par de larges cours d'eau, peuplés dans de florissantes prairies et des forêts illimitées, par une faune extrêmement abondante et variée, nos ancêtres avaient un bien-être incontestable. Ils étaient absolument des privilégiés, tandis que les peuplades de la stérile Australie ou des régions polaires glaciales étaient ou sont encore aux prises avec les dures existences d'une vie lamentable. Nous savons que par la gravure, par la sculpture, par la peinture même, obtenue à l'aide d'un outillage rudimentaire, nos troglodytes s'élevaient au-dessus de tous les primitifs rencontrés sur la Terre par nos voyageurs et nos ethnographes. Leur génie se manifeste par quelques vestiges qui font soupçonner l'importance de tout ce qui est à jamais perdu. L'imagination a beau se joindre à la science la plus érudite, nous ne pouvons vraiment distinguer que peu de choses dans cet obscur passé. Fin de la conférence d'Émile Carteillac, lue par Isade en 2021.